Je me prenais à te maudire, à te détester, à me dire pourquoi faut-il te le blasphème, et je ne sentais en moi-même, je ne sentais qu'un seul désir, un seul espoir de revoir au Carmen, oui, de revoir je t'ai dit les choses